70 et 10 pour 100 pour 100 Chaud, radio, classable, le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70 et 10 pour 100 pour 100 70 et 10 pour 100 pour 100 Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, j'avoue présentement 70%. Bonne écoute. Hey, c'est moi! Je suis Tommy Godette, je suis l'animateur principal de 70%. C'est un poste qui n'incombe qu'au meilleur. Et en fait, je vais commencer en répondant à un courrier qu'on a eu, parce que des fois, les gens nous écrivent. Et j'ai un Jordan G. Desroches qui dit qu'il est grand fan de l'émission. Il nous a envoyé un dessin. C'était malheureusement beaucoup trop laid pour que je le montre à l'écran. Mais quand même, Jordan me pose la question... c'est quoi l'histoire du titre 70%? Et en commençant ce 70%, ça me fait très plaisir d'expliquer ça. C'est très simple, c'est que 70%, c'est la moyenne générale, c'est C+. L'humanité avance à 70%. Dans ta vie, tu es imminemment 70%, et je t'invite à faire la paix avec ça aussi. Mon petit Jordan, comme tous les autres, 70%, c'est comme l'équilibre parfait entre... être pas une petite perfectionniste qui tape ses nerfs, puis faire des affaires, genre, tu sais. Fait que 70% all the way. On est tous ici par plaisir aussi, hein, toute l'équipe. On est surtout là pour vous offrir notre strict minimum à chaque lundi et pour vous faire réaliser à quel point c'est important de pas trop s'en mettre ses épaules et que 70%, c'est vraiment la réponse. Et donc, 70%, pourquoi ça s'appelle 70%? Parce que Christ, que c'est le pourcentage qu'il y a dans toutes les fenêtres partout, man. Tout est réduit à 70%. Tout est réduit à 70% partout. Donc, on s'est dit, on va faire de la pub facile. Comme The Police, hein, c'était ça dans ce temps-là. Ouais. Il y avait le Thatcherism, là, qui ont réussi à étouffer des... Ah, c'est 70%. Je vais enlever ton nom. Moi, à ta place, je redirais 70%. Ah, c'est 70%. Donc, on a un invité spécial. Je suis très content d'avoir Éric Michaud avec nous en studio. C'est un conteur menteur vraiment de niveau surpuissant. Vous allez voir, il va vous charmer avec ses pouvoirs secrets magiques. Il est en train justement de summoner des orbes d'énergie mauve. Ça crépite dans le salon. On a Mathieu Boudreau qui est à la console aujourd'hui. Salut Mathieu. Salut. C'est pas problème? Ben, tabarnak. C'est ça. On a aussi en manchette ce soir avec Bruno Corbin. On va avoir beaucoup de nouvelles de pizza. Ah, c'est ça. Puis des enfants qui vont mourir aussi. Ah, c'est logique. C'est une temps drôle, j'ai ça. J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. Moi, je surfe là-dessus ici depuis 3 ans. Notre enfants, enfant est mort. Et voilà. Et puis, Étienne Forêt, tu nous as concocté quoi? Ben, aujourd'hui, j'ai pas de top 5. J'ai simplement une critique complète de l'album de Maë Paiement. Ah ben, wow. Ah, puis ça, on peut à cette heure. On pouvait pas. Ouais, parce que ben, c'est pas Caroline Néron, c'était... Ah, du temps de choc, ouais. Du temps de choc, on n'aurait pas pu. On l'aurait fait pareil, probablement. Hashtag taper le même clou tout le temps. Hashtag alternative de l'alternative urbaine. Hashtag Tommy Godette. Hashtag... Ça a été acheté par Patrick Lafrance, il me semble. C'est rendu choc point hasard. Ouais, voilà. C'est sûr que non. Sinon, ben, en visionnement, il y en a qui sont là pour nous, avec nous, pour ça. Oui, on a l'excellent Rogers Normandin et le titre du film s'appelle Les Aventures. Les rêves d'un aventurier. Tu me comprendras de me mélanger. Ouais, voilà. Les rêves d'un aventurier, volume 2. Ouais. Oui, je vais en parler tantôt à la fin de 70%. Avant de diffuser en direct, live à la télévision, cet excellent long métrage de tellement quelque bon. Chose qui est comme au-delà du terroir. Ah ouais. Je vais en parler longuement plus tard, mais à 70%, j'aimerais concrétiser. Je me bats encore avec ma feuille. T'es où, Sarah, quand on a besoin? Ça va bien. C'est une de mes... Vous savez comment je deviens émotif quand je parle de Rogers Normandin. Et au sein de son univers en entier, je pense que dans le film de ce soir, il y a mon personnage préféré. Il s'appelle Léopold. Il cuisine des bines au début et il va aider le chasseur à l'ours plus tard. Il est malade, Léopold. Et j'ai ici une citation de sa part qui arrive à la 35e minute. il faut que ça devienne une sonnerie de téléphone, ça c'est sûr. Ça devrait pas être là. Là, je la lis pour vous, là. Ah ben là, moi, tout à l'heure, je voulais juste savoir à peu près où que ça pouvait être. Là, mais je le sais pas mal. Moi, là, tu sais, je le sais pas mal. Ah ouais, pas mal certain de You, si tu l'as tué, là, pas loin d'ici. Et voilà. Ce qui nous a coupé est bonne. Donc, sinon, ben, on parle de Dieu de la création. Ça m'amène à parler de... quelque chose qui s'est ramassé à être mon nouveau héros pendant très peu de jours. Je viens de crever ma bulle. Je termine ça avec vous ici ce soir à 70%. Des longs jours, par contre. Et voilà. Maestro, s'il te plaît. Et voilà. On l'entend pas, mais ça joue. OK. Donc, on entend. Est-ce que tu peux lever le retour ici? Ça? Ouais. J'ai découvert quelqu'un de magique. En fait, c'est l'excellent Pat Vaillancourt. C'est mon nouveau héros. On est tout au courant, il est arrivé quelque chose de spécial. Il est arrivé une dénonciation qui aurait très bien pu ne pas exister sur le web. Ça aurait été correct d'écouter la jeune fille, de l'amener chez les spécialistes, comme Pat dit que c'est arrivé, avant de la guider vers les policiers. Bon, c'est un processus qui s'est passé dans cet ordre-là. La petite fille, c'est ça qui est important. Hein? La petite fille a fait confiance à un adulte et voilà, ça s'est su. Il y a des choses à un moment donné. Bon. Et puis, c'est arrivé, il y a eu un clip qui est allé sur le web. Puis aussi, après, il est arrivé l'arrestation. Puis, sont arrivés les entrevues à la télé. Moi, contrairement à tout le monde... je pense que Pat Vaillancourt était totalement indispensable à cette histoire-là. vous le savez tous, du fame sur Internet, ça a été créé par les contre-coups d'une sombre histoire impliquant une fillette. On sait depuis, parce que c'est tellement important, pis c'est vraiment nos affaires tout le temps, tu sais, que cette vidéo aurait pu ne pas exister puisque c'était des démarches qui étaient entamées avant. La vidéo a pourtant bel et bien existé. Et puis là, ça a fait que ça a créé du fame sur le web. Triste, parce que comme la victime était une mineure, ben, puis qu'on n'est pas encore des bonobos, hein, ce fame-là s'en allait nulle part dans toutes les directions. Ce qui veut dire que ça aurait été plein de fame gaspillé, tu sais. Mais heureusement pour la vie, il y a Pat Vaillancourt qui est arrivé au moment le plus opportun. Pis qui s'est placé en tout ce fame-là qui s'en allait partout, et la fillette, tu sais, pour la bloquer du fame, tu sais, pour l'empêcher d'être sous. Bravo, Pat Vaillancourt, c'est vraiment un geste héraïque. Ensuite, dans le même esprit de don de soi, Pat a toujours profité de la foulée de son exposure, totalement mérité et absolument pas douchebagienne, de son exposure. Totalement mérité et absolument pas douchebagienne pour écrire un statut Facebook dans lequel il, humblement toujours, demande que les deux meilleurs vlogueurs du Québec, essaient d'avoir 10 000 likes sur leur statut Facebook pour ensuite aller demander... un show à la télévision qui brainwash encore nos parents. Là. Ce show, c'est Malade Mental. Malade Mental. Pat Vaillancourt, un héros héroïque qui agit héroïquement et que j'aurai adulé à la hauteur de ses services à ma société le temps de 4 jours. J'espère maintenant ne plus jamais réentendre parler de lui. Et je termine avec des mots que ça fait très longtemps que j'ai pas entendu prononcer dans ces studios. J'ai comme un relent d'émotion. Je sens ma face qui est comme pas naturelle, mais sérieusement... C'est qui la chienne à coke? Hein? Maintenant. Je la demande, c'est qui la chienne à coke? C'est toi la chienne à coke. Et voilà. On est à 70%. On a un gros show qui s'en vient devant nous. On va écouter le premier bloc, en fait, de clips. Ça va être de désinformation de Marc-André Labelle. Il nous en fait un par semaine. C'est comme en direct un compendium de ce qui se passe de plus intense sur le Facebook de Douteux. Merci, allez pas trop loin. On a Éric Michaud après le clip. C'est qui la chienne à côte? Toi la chienne à côte! C'est moi la chienne à côte! Et oui, on est de retour en studio avec notre invité de la semaine, Éric Michaud. Très content de t'avoir à douteux.tv. Content d'être là, Ben oui, c'est ta première fois au Musée de l'absurde, je pense. Oui, et honnêtement, je capote. Sincèrement, je suis pas menteur, je capote. Il est pas menteur, ça, peu importe ce qui est écrit en bas pour cette fois-là. Il n'y a rien de mieux placé qu'un menteur pour convaincre les gens qu'il n'est pas menteur. Hein, ben moi, je suis plus honnête des menteurs. J'avertis d'avance que je mens. Tout le monde se cache de mentir. J'avoue. Moi, j'avertis d'avance. Je suis honnête. Tu fais face. Penses-tu que ça se peut... mettons, là, on parle du concept de mensonge. Penses-tu que ça se peut ne pas mentir? Non, impossible. Non, impossible parce que, écoute, si tout le monde se met à faire à dire la vérité, là, il y a une guerre mondiale dans moins d'une semaine. Mais c'est quoi la vérité aussi? Ouais, mais la vérité, admettons, c'est ouais, la vérité, c'est de dire en pleine face à quelqu'un qu'est-ce que tu penses. Ça, regarde, premièrement, il n'y a plus de couple. Fini. Il n'y a plus de couple. Où vont s'en aller les enfants? Il n'y en aura plus d'enfants. Fini. Les enfants vont se faire manger. Fait que toi, dans le fond, le mensonge, tu vois ça comme un tampon entre les êtres humains. Là. C'est essentiel, absolument. C'est un filtre nécessaire. Ouais, je suis d'accord avec ça, je pense. Juste le manipuler, là. Toi, t'as-tu l'impression, compteur, manipulateur, t'as-tu l'impression que ça va dans la même veine, ça? Non, parce que manipuler, c'est le faire à l'insu de quelqu'un. Tandis que quand quelqu'un vient voir un spectacle de conte, ben là, il sait qu'il se fait raconter une histoire. Il sait qu'il s'en va dans un monde imaginaire. Ah, voilà. Tandis que les manipulateurs, les bons, tu sais pas. Et voilà. Ouais. Puis y a comme un stage, il y a aussi un jeu, là, genre l'autre te prête de l'attention parce qu'il sait que en toi t'es un show. En échange de leur argent, ouais. C'est ça. Ça paye-tu bien gros, ça? Pas tant que ça. Je te vois avec un t-shirt du documentaire, t'as payé ça comment? Ça, 20$. T'en l'as pas fait donner en allant faire un tour. C'est ça, eux autres avec ont besoin d'argent, ouais, c'est ça. M'encourager est bon, tu sais. Bonne job. J'aurais pas avoir un t-shirt de coke. Non, j'ai mes valeurs. C'est bon, tant qu'à passer à Web TV, si on va sortir les gros canons. Les vraies affaires. Qu'est-ce que c'était pas ta première fois en Abitibi, toi, documentaire, tu reviens de là, là, moi je le sais, puis t'as été couronné roi, on va en parler d'ailleurs oui. Un petit peu là. Non, en Abitibi, j'étais allé au Festival de Contes là-bas. En fait, je suis allé partout au Québec. Là, je viens de clore mon tour du Québec officiellement. J'étais allé compter à B. James. Oui, oui, j'étais allé compter à B. James. La demande est là. Tu sais, les gars s'ennuient, ils m'ont jasé des chevreuils. Fait que j'étais allé compter là-bas, puis ça conclut mon au complet du Québec. Puis ça ressemblait-tu à comme dans le film de Ding et Dong, là, le monde de Matagami? Même affaire, pas de chainsaw. OK. Quand même. Excellent, ça. Peut-être avant de te laisser aller dans une petite performance, est-ce que tu joues à Magic? Non, parce que c'est un peu contre mes principes. J'aime pas ça quand c'est pas... ça finit pas. Donc, on va écouter un conte de Éric Michaud. On est à douteux.tv. Je te laisse le spot, man. Moi, je vais me tasser là le temps que tu racontes ton histoire. Écoute, je regarde la caméra 1, 2, 3 ou 4 parce que c'est un gros studio que vous avez. C'est hein? Celle que tu veux. OK. Bon. Écoutez, bonsoir public. C'est la raison que je suis devenu le roi des menteurs. C'est qu'il y a un festival à Montcrabeau en France, dans le sud-ouest de la France. Où est-ce qu'à chaque année, depuis 1748, je n'invente pas ça, là, depuis 1748, allez googler ça, Académie des menteurs de Montcrabeau, et vous allez tomber sur leur site qui est, bon, ordinaire, mais quand même, il existe depuis 1748, on ne peut pas leur demander d'avoir un beau site, mais à chaque année, ils couronnent le roi des menteurs de la francophonie. Alors, tu as 10 minutes à aller raconter une menterie devant eux autres et de leur des impressionner. Puis là, les académiciens, ils votent avec des cuillères de sel dans un sac. Entre 2 et 10 cuillères de sel, dépendamment c'est qui, comment ils ont mis ta menterie. Puis moi, je suis allé leur raconter, je vais la faire en résumé, là, que 2 ans avant, j'étais allé chez les Inuits, et c'est vrai en plus, c'est ça, j'étais allé compter chez les Inuits, à Iqaluit, au Nunavut. Il y a un festival là-bas qui s'appelle le festival Alianais, qui veut dire dans leur langue « Yeah! » Ça se traduit bien mal. là-bas, c'est assez intense. J'étais allé compter, il y a un centre francophone là-bas qui s'appelle « The Francophone Center ». Je niaise même pas, c'est vrai. En arrivant là-bas, ce qui est arrivé, c'est que on m'a servi de la viande de phoque cru pour souper dans une famille. Le problème avec la viande de phoque cru, c'est que c'est pas bon. Mais eux autres en mangent, tu sais. Moi, je suis déjà allé à manger de la viande de phoque aux îles de la Madeleine, mais ils ont une recette pour la viande de phoque cru extraordinaire. Ils la font cuire. Fait que là, je me suis trouvé à manger de la viande de phoque cru, mais c'est pas bon. J'ai une semaine à manger ça, m'a capoté. La mère qui me recevait, je restais dans une famille, elle m'a donné une pierre de toundra. Elle m'a dit, frotte-toi la langue. On fait ça avec les bébés une ou deux fois par jour pour user leur papille gustative. Comme ça, quand ils deviennent en âge de manger de la viande, ils peuvent manger de la viande. Sinon, t'aurais presque pas. Fait que moi, j'ai accéléré le processus parce que j'avais une semaine. Fait que c'était à longueur de journée et j'ai fini par me scraper les papilles gustatives. Ce qui fait que je goûtais plus à rien. Puis là, je me demandais comment me guérir. Puis la mère me dit, la guérison passe par le plus petit. Puis j'ai fini par comprendre 2 ans plus tard qu'elle parlait de ses enfants. Elle avait 5 enfants, puis le plus petit s'appelait Armagnac, avec un K à la fin. Puis là, je me suis en allé en France, où est-ce que le meilleur Armagnac, c'est-à-dire à Montcrabeau, où est-ce que le festival de menteurs. Et puis là, ben, j'ai dit, je suis ici pour me guérir, je suis pas là pour votre festival. Fait que vous voulez que je me guérisse? Ils ont fait, oui. Fait que j'ai sorti une bouteille d'Armagnac que j'avais changée pour du thé glacé. Eux autres connaissent pas ça. Fait que je me suis mis à caler la bouteille. Et là, j'ai 1800 personnes en avant de moi qui regardent le show, puis qui se mettent à applaudir au début. Oui! Puis plus ça va, moins ils applaudissent. Parce qu'on fait pas ça en France, caler de la boisson. Ils font pas ça, ils dégustent. Fait que là, ils étaient plus fiers de moi. Puis ils étaient sûrs que j'étais en train de me tuer, là. Tu sais, caler une bouteille live, là. Puis j'ai fini par dire, je pense que je suis guéri. là, j'ai liché le micro, j'ai liché le fauteuil de Pierre, il y a une mascotte, une chèvre, je l'ai pas liché. À date. J'avais peur qu'elle s'attache, tu sais. Elle s'appelle Cannelle, c'est pas une raison pour tester, tu sais. Fait que, ils m'ont cru, puis j'ai dit, parfait, je suis guéri. Si, mesdames, messieurs, si vos femmes cuisinent bien, après chaque repas, prenez un petit verre d'Armagnac pour garder vos papilles gustatives intactes. Puis si vos femmes cuisinent mal, venez me voir, je vais ramener des pierres de toundra. Fait que, ils m'ont cru, ils m'ont nommé roi des menteurs, ils m'ont fait faire le tour de la place. La télé, j'ai du temps pour une anecdote. Ben oui, certain, on est là pour ça. Écoute, là, je vais revenir par contre. Ben, reviens. C'était hot ton affaire. Hein? C'était là, ben, c'est assez condensé quand j'ai eu le temps de la compter au complet. Mais ce qui était drôle après, c'est que la télé parisienne qui était là faisait un reportage sur le festival, ils ont dit va te promener. On va, puis fais des menteries québécoises, on va te filmer. C'est quoi ça, des menteries québécoises? Quelle saveur de menterie. Tu comptes une menterie. Il n'y a pas de chameau dedans. C'est pas, tu finis avec « Ah oui, il y a rien à toutes tes phrases. » Fait que j'arrive, là-bas, ils font du foie gras, fait que je fais mon innocente québécoise. Je fais « C'est quoi ça? C'est des cratons? » Fait qu'il fait « Non, non, c'est du foie gras. » Il m'explique qu'on gave le canard et tout ça. Fait la même affaire chez nous. Nous autres, on fait ça avec des orignaux. Ouais. On prend trois gars. Deux qui tiennent les bois, puis l'autre qui se met un gars, ça mord un chien, un orignal. Puis là, nous autres, on les gave, mais avec des castors. Ben ouais. Évidemment. Avec des queues de castors. Non, castors au complet. Castors au complet. Mais je te jure, sa réponse a été « Ça doit être rude de mangra, hein? » Ouais. Ça, c'est une toast, tu sais, mettons. Non, le foie gras d'orignal gavé au castor. Ah, j'ai déjà un paquet de conneries, il y a de la neige au mois d'août, n'importe importer quoi. Importer de Nouvelle-Zélande, genre, ça serait bon. C'est sur quoi qu'ils m'ont pas cru? Non. La poutine. Ça existe c'est quoi les plats traditionnels? Ah, la poutine, les frites, la sauce, ça fait... Ah ouais. C'est une menterie, hein. Je fais, comment ça, c'est pas une menterie? Il y a personne de sensé qui mangerait un truc pareil. Il y avait pas de tort. Gratin dauphinoise. Ouais, c'est une poutine française quand même. Ouais, c'est ça. À chaque poutine, sa nationalité. Ben là, une poutine. En tout cas. Moi, je pensais qu'elle nous comprenait. Je pensais qu'elle nous comprenait pas pantoute. C'est pour ça que je disais des niaiseries. OK, non, mais ça va bien. Ça va bien. OK. Okay. On est à 70 %. On espère te revoir dans le futur. En ben, je vais venir vous raconter d'autres anecdotes, comme la fois que je me suis fait passer pour l'ambassadeur de l'Ouganda et tomber face à face avec le commissaire aux langues officielles. Ben oui. À Toronto. Ah boy, à Toronto, la ville où tout est possible. Presque. Ben let's go, raconte-nous ça là. Jusqu'à 1h du matin. Étienne n'est pas pressé de s'en aller. Voilà, j'ai du temps aujourd'hui. Ah ben ok, ben merci Étienne. Écoute, on scrape la conique. C'est à Toronto, l'Alliance française, j'allais compter pour des alliances françaises partout dans le monde. J'allais compter pour eux autres, puis le lendemain, ils disent, on fait un 5 à 7, on t'invite. C'est dans les studios, ben dans l'entrée de Radio-Canada à Toronto, qui est gigantesque. Il va y avoir du monde de tous les pays de la francophonie, on déguste, on jase et tout ça. Mais j'arrive là-bas, mais comme j'avais été invité à la dernière minute, il n'y avait pas de tag pour moi, tu sais, de putain. Fait que la femme, elle fait, dans le jeu, elle dit, écris-moi là, sur un papier là, ton nom puis ton titre, là, puis je vais te l'imprimer, je vais t'en faire un. Voilà. OK. Ce que tu veux, genre. Éric Michaud, ambassadeur de l'Ouganda. Premièrement, c'est un pays anglophone. Je ne savais même pas. Je trouvais ça juste drôle, tu sais. Ambassadeur de l'Ouganda. Ce que j'ai appris plus tard aussi, c'est que l'Ouganda était le seul pays de l'Afrique à voter pour l'apartheid. Quand même, j'avais pas choisi mon camp. Ouais, pour ça que quand j'arrivais dans des kiosques où il y avait des Africains, ils me regardaient super drôle, puis j'étais. Il n'y a personne d'autre qui pouvait venir. C'est moi qui est venu. Puis là, le gars de l'Alliance française trouvait ça super drôle. Il me présentait à tout le monde. Jusqu'à temps qu'il dit « Voici M. Graham Fraser, commissaire aux langues officielles au Canada. » Puis là, il me regarde et fait c'est quoi? T'as-tu comme été catalogué? Là? La SQ est venue me voir. Ils ont fait « Est-ce qu'on pourrait vous parler, monsieur, s'il vous plaît? » Et je te jure, j'ai eu une entrevue avec la SQ en arrière. Parce que... ou le RCMP... non, le RCMP, pas la SQ, on était en Ontario. Le RCMP, c'est pareil. En tout cas, une police. Menteur. C'est ça. Qui est venu me jaser parce que c'est apparemment j'étais pas sur la liste d'invités puis c'était un peu douteux que je sois l'ambassadeur de l'Ouganda avec score, ma face. Man. T'as-tu fait une couple de selfies? Non. Si t'aurais pu ruiner Twitter. Avec une police montée. C'était drôle. J'ai failli aller faire un discours par exemple. Enfin, excusez tout le monde, j'aimerais vous dire au nom de mon pays. Mais j'ai quand même pas osé déjà que je me faisais regarder drôle. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Le pays anglophone, puis que tu parles en français, je la trouve pas mal top. Moi, oui, par québécois en plus. <C'est> ambassadeur d'Ouganda avec un accent québécois. Oh, oui. C'est fort. Éric Michaud, oui, oui, je suis né dans les ghettos. Hein. Hey, ben, en tout cas, merci beaucoup, Éric. Merci de m'avoir reçu. Avec quand vous plaisir. Voulez. Là, on s'en va écouter quoi? C'est quoi le clip que j'ai mis? Les avait... chats, vidéo de chats. C'est ça, c'est Renard Frac qui l'a fait. Il a dit, il est rendu à plus de 3 millions de views. Il fait son premier vidéo de chat. Il va exploser. On est à 70%. Ça va être Bruno en revenant. Il sauve, là. Oh. Minou, minou, minou. Minou, minou, minou. C'est quoi ça, des temptations? Il va triper. Non, mais non, mais giga, il s'en va chercher. Mais là, c'est tout des temptations, là. Il est drôle. Puis il capote. Aïe, aïe, mais c'est des temptations. C'est une pêche pour les temptations. Non, il en veut pas. Il s'est demandé quoi? Hey man, t'es tombé où? Je comprends rien. De qu'est-ce que c'est ça? Mais check tu qui joue avec. Il comprend pas trop qu'est-ce qu'il y a eu. T'es drôle, bidou. Bon, dans l'eau. C'est la seule façon. Non, il en veut même pas. C'est... Il a peur de ton rire. Il est vraiment peureux, ce petit chat-là. Oh, oh! Enlève la serviette de l'eau, ok. Capote. Courir après les bébêtes. Oh, gars, il a trouvé une mouche. Il va-tu manger la mouche? Il a trouvé une mouche morte, gars. Gars, il joue avec la mouche. Il joue avec la mouche morte. Ah non, ça ne l'intéresse plus. Il faudrait qu'elle mange. Elle n'a pas vraiment faim, c'est pour ça. Oh, là, il se bat avec la serviette. Ah non, je reste poigné dans la serviette. Non, je reste poigné dans la serviette. Oh, il l'a mangé. C'est-tu en mouche, ça? Oui. Oui. Hey, Pépé, tu devrais le lire. Le petit chat est hilarant. Check le petit chaton, il tripe sur mes sandales. Ah, oh, il retourne dedans encore, là. Check-les. Ça sent le bon vieux pied, ça. Puis il pue, mes sandales. C'est pas l'achat du siècle. C'est comme spongieux, ça, en dessous, puis ça regarde tout. Ça fait comme 3 ans, j'ai dit. Ouais, ouais, c'est ça. Ça sent le poisson. Poisson de la mer. Sur douteux.tv, les manchères internationales, avec Bruno Corbin. Information. Hey Bruno. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'univers? Je ne sais pas. Je ne suis au courant de rien. J'ai rien entendu. Voilà! Score! Ah, c'est bon ça, hein? Allez, let's go, man! Oui. Parle-nous de tout pis de rien. Là. Oui. On vient d'avoir quelqu'un qui a mangé du phoque cru. Là. De quoi tu vas nous parler, toi? Ben écoute, Tommy, on part tout de suite en pizza. Après les enquêtes à coups de carton d'allumettes et les enquêtes à coups de tatouage, on y va avec les enquêtes à coups de pointe de pizza. Un homme de 26 ans qui avait volé un livreur de pizza dans la ville de Goulburn en Australie et s'était sauvé avec son argent, son téléphone et les pizzas qu'il était en train de livrer, a été retrouvé après avoir échappé une des pointes de pizza en avant de sa maison, non loin de la scène du crime. Il n'y a pas laissé une trail. Les items ont été retrouvés à l'intérieur de sa maison. C'est incriminant. C'est non, mais c'est comme genre voyons Cinderella là. Ouais, qui, c'est comme le petit poussin qui on qui se promène de maison en maison puis on essaie de trouver la pizza qui lui manque. Coup de théâtre, Tommy. Stoppez les presses. La pizza est passée de l'autre côté de la loi. Un policier a identifié une pointe de pizza chaude comme une arme dangereuse. James Vincent Grass de Chicopee au Massachusetts aurait écrasé une pointe de pizza chauffée au micro-ondes au visage d'une fillette de 6 ans après qu'elle a demandé de sentir la petite pizza causant des brûlures au premier ou au second degré. Ça devait être tellement drôle sur le coup là. L'homme de 21 ans a été arrêté pour négligence criminelle. Pour crise de cavisme, hein? c'est souvent de même. Ouais, là, il n'y a pas d'alcool qui pouvait être en cause. Oh, bon, je sais pas. Peut-être toujours. C'est une histoire, du pot. Probablement. Une bière avec la pizza. Fait que là, on est rendu avec la madame qui est tout pète rouge. Oui, une femme de Gastonia en Caroline du Nord a été arrêtée après avoir appelé le 911 pour se plaindre que sa pizza avait été mal préparée par le restaurant. Elle est accusée d'utilisation abusive du 911. Non. Elle a appelé le 911 parce que sa pizza était pas comme elle voulait. Oh, non. Mario. Ben, elle se fait voler, hein? Je... Ah, c'est incroyable. Voyons. Ah, let's go next. D'accord, on laisse tomber la pizza et on va faire un petit tour au Japon. Un chauffeur de taxi d'Osaka a été arrêté pour avoir forcé une cliente à uriner à l'intérieur de son taxi. Ah ben oui. L'homme aurait offert des craquelins contenant un diurétique pour ensuite refuser de la laisser sortir pour qu'elle utilise les toilettes, la forçant éventuellement à faire pipi dans la voiture. Oh, l'homme de 41 ans a confessé l'acte, affirmant qu'il était sexuellement excité par les femmes qui font pipi. Il adorait qu'elle se tortille. On était au Japon pour cette nouvelle, je vous le rappelle. Oui, oui, on est tous très surpris. Le pays des machines distributrices à sous-vêtements usagés. Le pays de la machine distributrice de pipi. Bon, ben, merci beaucoup, Bruno, pour le premier bloc. On va s'en aller en clip tout de suite. Ça va être quelque chose de magique. Bob Ross remixed. Il paraît que c'est bien, bien touchant. Hello. I'm Bob Ross, and I'd like to welcome you. First of all, let me take just a moment to thank you for allowing me back into your homes. If this is your first time with us, let me extend a personal invitation for you to drag out your oil paints and paint along with us each week. Let's go over to the canvas here and let's get started. I believe, every day's a good day when you paint. I believe, it'll bring a lot of good thoughts to your heart. I believe every day's a good day when you paint. I believe it'll bring a lot of good thoughts to your heart. Let's build a happy little cloud. Let's build some happy little trees. There are no limits here. You start out by believing here. You can almost paint with anything. All you have to do is practice. There are no limits here. By believing here, this is your world. You're the creator. Find freedom on this canvas. Believe that you can do it. Cause you can do it. You can do it. Give it a little touch. Give it a little push. Make love to the canvas. Give it a little touch. Give it a little push. Caress it. Very gentle. Very gentle. Very gentle. Grab it. Lift it. Fluff it. You can go on and on and on. Back and forth, and forth. Layer after layer after layer. Let's build a happy little cloud. Let's build some happy little trees. There are no limits here. You start out by believing here. This is your world. You're the creator. Find freedom on this canvas. Believe that you can do it. Cause you can do it. You can do it. Relax. Let it flow. Think like water. Relax. Let it flow. You can go on and on and on. mistakes. We just have happy accidents. You can do anything that you want to do. Total power. Sing along, have a good time. This is your world. You're the creator. Find freedom on this canvas. Believe that you can do it. Cause you can do it. Cause you can do it. Cause you can do it. I believe. I believe. Every day's a good day when you paint. I believe. I believe. And you'll bring a lot of good thoughts to your heart. I believe. I believe. Every day's a good day when you paint. I believe, it'll bring a lot of good thoughts to your heart. Qui tourne dans ta tête, tant de musique, DJ, DJ George, tant de musique. Oh yeah! Salut, Étienne! Voilà. Salut! Content de te revoir, man! Ben, moi aussi, je suis tellement content. J'aimerais commencer d'abord dans le vif du sujet avec un update sur la situation des Boogaloo. Le dossier Boogaloo, très chaud. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée ni l'autre d'avant, eh bien, les Boogaloo ont lancé le 20 avril un concours de selfie où il s'agit de se prendre en photo soi-même avec dans les mains la pochette du dernier physique, album des Boogaloo. L'album physique. Oui, l'album physique. Fun, qui s'appelle l'album, pas c'est pas une critique, c'est son titre. Et puis, jusqu'à présent, ben, il n'y avait eu que moi qui avais participé par photomontage avec Sarah Gariepi et Jean-Sébastien Maréchal-Parent. Photo qu'on avait collée cheapement dans Photoshop avec la pochette dans même qui flotte dans les airs. Et qui était passée sous leur radar. D'ailleurs. Complètement. Et qui, c'était la seule participation à part l'exemple du chanteur. Et puis, ben là, coup de théâtre soudainement. Oh, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il y a une matante qui a participé et qui a amené son disque des Boogaloo à Cuba, puis qui l'a pris en photo avec des Cubains autour d'elle, puis tout ça dans un club tout inclus de Cayo Coco. C'est vrai Cubain, ça? Alors là, nous autres, on va faire devant le green screen. On va aller à Sydney en Australie avec l'album de partout dans le monde. Mais ça va prendre quelqu'un d'autre, là. Genre, il va falloir déguiser Mathieu en surfer ou ah ouais, c'est même, bon, ah ouais, ça va falloir du Nutella. Il y a quelque chose là. Fait qu'en tout cas, là, pour l'instant, je ne suis plus la seule participation de ce concours qui existe depuis trois semaines. On sait-tu où elle habite, elle, cette fille? On ne sait pas où elle habite, puis là, j'ai des gens sur le dossier qui enquêtent parce qu'ils ne croient pas que quelqu'un aurait réellement pris la peine de faire tout ça pour un concours de selfie. On pense que c'est peut-être genre la belle-sœur d'un des membres du groupe. Ah, en tout cas, okay, ouais, on est en train de mener l'enquête. On pense. Oh oui, on demandera un recomptage s'ils le font. Bon, ceci étant dit, grande nouvelle, une nouvelle brève avant de commencer ma chronique proprement dite. Mario Benjamin a décidé qu'il revenait à la charge pour sortir une chanson de cause. Il nous sort bientôt la chanson Contre le cancer, la chanson Victoire, chanson qu'on est obligé d'aimer parce que sinon ça veut dire qu'on est, on est pour le cancer. Et ouais. Les enfants qui meurent remplis de tumeurs pustulantes partout. Ouais. Fait que là-dessus, ben, il réussit quand même à faire des rimes très intéressantes. Il nous a sorti un petit preview de la chanson et j'ai amené le vidéo parce que ça vaut vraiment grandement la peine d'être écouté. À 70%. Ok, oui. Oh, il dit que... Un internal error occurred. Non! Ben, yeah, moi je vais réussir à aller chercher. Trouve-le sur YouTube. Moi, il est sur YouTube. C'est ça, voilà. Mario Benjamin Victoire, tu vas le trouver. C'est bon, facile. Ou sinon, à la maison, allez chercher Mario Benjamin Victoire, puis on vous attend. Puis on vous attend. OK. Je m'en occupe. Parle-nous de ta chronique à la place. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est être ami avec Mario Benjamin, puis vous allez le voir passer 4 fois par jour. Voilà. Alors, maintenant, moi, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de faire une chronique de l'excellent album. Qui est ici, l'album After All de Mahé, et qui est en fait nul autre que Mahé Paiement, mais qui ici l'écrit M-A-H-E, accent aigu, pas de... Pas de E. Pas de E, juste May, mais qui chante en anglais tout au long. C'est un album qui est sorti en l'an 2000 et qu'on m'a offert la semaine passée. Puis moi, j'avais même jamais entendu parler qu'elle avait fait un album. C'est la preuve qu'il y avait eu du rayonnement en masse. Ouais. À chaque fois que j'en parle à tout le monde est surpris. Et l'autre jour, quand j'ai posté sur Facebook un petit début de critique de ça, puis là, j'ai mon neveu, que je salue, Laurent Primo, qui m'a demandé « Mais de quoi ça parle? C'est quoi les thèmes? C'est-tu des chansons d'amour tout le long? » Fait que là, j'y ai dit, ben, réponse courte, oui, c'est genre des chansons d'amour tout le long. Et réponse longue, cette chronique. Alors voilà. Sur l'album After All, May, pas de E, explore les différentes facettes de l'amour, ainsi que les hauts et les bas des relations de couple. Oh. Allant de l'attirance du début, à la constatation que l'amour est mort à la fin, en passant par le fait qu'on est en amour dans le milieu. Examinons le disque en plus de détails. Je pars ici une... chanson, la première de l'album, qui s'appelle Everybody Was There. On va s'en imprégner un peu. Fait que là, c'est comme un party à avoir rencontré le gars. Tu vas voir. Maï sera de surprendre. Le genre musical est établi dès le début. À partir de là, c'est une route bien droite. Donc, si vous êtes confortable, vous êtes correct. Attention, on s'en va. Ah, le refrain. Et voilà. Alors, Everybody Was There aborde donc le thème de la proximité de tout le monde autour de la chanteuse, sauf son chum, qu'elle a peur de perdre parce que Everybody Was There, Everybody But You, comme on vient de l'entendre. On sent bien la détresse qu'elle vit quand elle se rend compte qu'il ne manque que celui qui compte le plus pour elle. L'expérience fait naître en elle une peur panique viscérale à l'idée de perdre son amoureux, peur qu'elle exprime parfaitement dans la phrase « Don't you see I'm so scared of losing you? » Moi, ça me touche. Puis plus loin, elle sombre dans les supplications. I want you, why can't you just believe in me? Everybody was there. Alors voilà. Donc ça, c'est la première pièce de l'album qui vraiment brise la glace d'une façon magistrale. Moi, ça avait été moi, ça aurait été le titre de l'album. Je sais pas pourquoi le prix After All qui vient dans trois pièces, mais en tout cas, j'imagine qu'il y avait un agent qui ne connaissait pas trop. Ensuite, on y va tout de suite après avec la pièce Broken, qui traite de l'incertitude qu'on peut ressentir lors des difficultés et de l'importance de rester fort malgré les doutes. On peut aisément supposer que Broken est une réplique, une suite logique à Everybody Was There, et on y sent parfaitement la détresse emo de la chanteuse, pour qui plus rien n'a de sens. Parce que le gars qu'elle veut ne veut pas d'elle, et qu'elle a, mettons, 13 ans. Elle a peut-être même été amenée dans un motel de Gascon pour que le gars la fasse sentir comme la plus belle avant de la domper là, qui sait. Le tout est résumé à la perfection dans le sonnet suivant. You say who needs the sun anymore now that you have the rain. Can't ever be like before now that you felt the pain. Mais il ne faut pas oublier l'espoir représenté ici dans la phrase qui suit ce sonnet. Who needs the sun anymore? You do. You do, but you're broken. Broken, your spirit is broken. Broken. Alors là, on sombre, là, carrément. Mais là, après cette descente là, dans les émotions négatives, tout à coup, la troisième piste, Can You Feel It, nous amène complètement ailleurs. Complètement. Complètement. Checkez ça. Loin de toutes ces idées noires-là, Can You Feel It tourne autour de la thématique du pressentiment qu'on peut avoir que tout va bien aller pour la soirée qui s'annonce. Surtout à cause de la bonne humeur qu'on ressent à l'approche d'un « party », comme disent les jeunes. I know it's gonna be alright. It's gonna be, it's gonna be, it's gonna be alright tonight, tonight. It's gonna be, it's gonna be, it's gonna be alright tonight, tonight. Everybody, everybody, can you feel it? De la poésie brute, des émotions en push-push. Voilà. Ça peut être ça peut être feeling. Vous resterez avec l'auteur longtemps, les narines. Gonna be alright night, c'est couillu. Je sais pas de quoi Bruno parle, mais en tout cas, moi je trouve que c'est très original cette chanson-là. Ensuite, After All, la chanson-titre, parle de l'impression que la chanteuse a sur la capacité de son couple à passer à travers les difficultés de la vie. Impression basée sur l'expérience de difficultés rencontrées et surmontées dans le passé. Maé, pas de E, sait très bien que le passé est garant de l'avenir et que les choses font juste se répéter tout le temps, comme elle le démontre bien dans les mélodies de son opus. Yes, I think we're gonna make it after all that we've been through. Voilà. On enchaîne parce que, hein, on n'a pas rien que ça à faire. The Wrong Rendezvous. À part d'être, d'avoir l'air d'une toune de Denis Drolet, The Wrong Rendezvous, long, long. Nous aborde en fait un problème récurrent dans notre société, celui de l'amour qu'on peut soudainement ressentir pour quelqu'un d'autre que notre conjoint. Ce qui mène au constat que Love came to at the wrong rendezvous. Que celui qui n'a jamais vécu ça lui fasse le premier vidéo de dénonciation avec des cartons puis de la musique triste. Bon, ensuite on a Could you be love? C'est-à-dire, non, pardon, je me mélange. Could be love, entre parenthèses, Eric Copper Mix. Oh, ah! Ouais, alors, Could be love, Eric Copper Mix, parle de l'amour naissant ressenti par la chanteuse envers une personne non identifiée. Peut-être Eric Copper, difficile à dire avec certitude. Et du fait qu'elle n'arrive pas à penser à autre chose que cette personne. C'est des choses qui arrivent, hein? Imprégnez-vous des paroles. Baby, this could be love. This feeling I am feeling. Love for you this tonight. This feeling I am feeling. Ouais. Ah ouais, parce que qu'est-ce que tu fais d'autre avec un feeling? Makes me feel. On sent bien ici l'excitation amenée par la réalisation que l'émotion présentement ressentie a des chances d'être de l'amour. Imagine. Imagine si c'était de l'amour. Ah. Tubulaire, comme disent les YOLO. Bon, ensuite, on change complètement de beat soudainement. Maï, à ne pas confondre comme moi au départ avec Maï, qui est un poisson, est une chanson chantée en espagnol parce qu'il semble être un mariachi accompagné seulement par sa guitare acoustique. Checkez bien ça. On se croirait à Cuba avec un disque de Boogaloo dans les mains. Ben ouais, ben oui. Puis là, le gars, il décolle plus jusqu'à temps que tu lui donnes des puzzles. Non, mais là-dessus, elle a une bonne voix, hein? Oui, oh oui, écoute, c'est une des meilleures pièces de l'album. Qui sait toutefois de quoi ça parle? Eh bien, les gens qui parlent espagnol, voilà qui. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Donc, on y va avec la suivante, qui est, là, c'est un piège. On pense qu'elle va être aussi en espagnol, mais finalement, pas tant. Il s'agit de Esta la vida. Sur ce beat-là. Ben oui, celui-là. Ah! Ce beat-là. Oh oui, c'est le 21 sur Casio. Exactement. 21 sur Casio. Beat numéro 21, instrument numéro 043. Alors, Esta la vida raconte une aventure que la chanteuse aurait vécue avec quelqu'un, possiblement en vacances. Hypothèse formée surtout à cause des quelques mots espagnols qui pimentent le texte, comme par exemple señorita, siesta ou puta de madre. La chanteuse semble regretter cette aventure et tenter d'oublier cet épisode de sa vie. Esta la vida, c'est la vie. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, esta la vida. Under the northern sky, say goodbye. Esta la vida, set me free. On est rendu là, justement. Unchain my heart from your memory. Ça, c'est de la métaphore à plusieurs niveaux, le jeune. Le cœur de la chanteuse enchaîné au souvenir de son amant cubain. C'est écoute, hein? Qui ne demanderait sans doute rien de mieux que de la marier pour devenir canadien, puis ensuite l'abandonner pour aller s'en chercher une meilleure, telle qu'on peut le comprendre dans la chanson qui suit. Oh! Ouais! C'est l'ordre des chansons et pas au hasard, là. Je le rappelle souvent aux gens, là. Pensez pas ça. Non, on en met. Hein, les gens, là. Des gens à la maison qui me disent, mais voyons, les chansons, c'est tout au hasard sur un disque. Non, il y a des liens à faire, là. Écoutez. Serial Lover. N'est pas un rapport avec l'amour des céréales, c'est bien plutôt Serial Lover, un peu comme un Serial Killer. Aborde le thème complexe des hommes qui mentent aux femmes sur leurs intentions et ne veulent réellement qu'avoir une relation sexuelle avec elles pour ensuite passer à la prochaine. Le terme complexe? me semble que tu viens de le résumer assez bien. Ben, c'est parce que je suis un très bon pédagogue. Oui, c'est vrai, ok. Voilà. Elle est chantée comme un avertissement, donné d'une femme à une autre concernant un homme précis, amenant donc à l'avant-plan la force de l'amitié entre femmes, qui s'entraident pour survivre aux pièges que leur tendent parfois les hommes. Serial Lover, How to Get Your Love In For Fun. On sent que cette fille-là s'est déjà fait donner 100$ pour rentrer en taxi. Ensuite, This Feeling, de son côté. Ouais, ça décante lentement. This Feeling, de son côté, parle de l'amour naissant ressenti par la chanteuse envers une personne non identifiée pour l'instant et du fait qu'elle n'arrive pas à penser à autre chose que cette personne. This could be love, this feeling I am feeling. Love for you tonight could be love, yeah. C'est pas la même affaire que tantôt, ça? On sent bien ici l'excitation amenée par la réalisation que l'émotion présentement ressentie a des chances d'être de l'amour. Ouais. On ne peut également s'empêcher de ressentir un léger sentiment de déjà-vu. Bon, on passe ensuite à You're So In Love, qui traite de la frustration ressentie par la chanteuse lorsqu'elle croise la personne de qui elle est amoureuse, mais que cette dernière ne la remarque pas, parce qu'elle est elle-même en amour avec quelqu'un d'autre, avec elle-même. Quel punch. The greatest love of all. You're so in love, you're so in love, you're so in love with yourself. You're so in love, you're so in love, you're so in love with yourself, nobody else. Ah, ben oui. Critique sociale franche et assumée, You're So In Love nous ramène au narcissisme de cette société moderne dans laquelle tout ce qui compte est l'image qu'on projette et l'amour de soi-même. Comme si, par exemple, on sortait un parfum, une collection de sacoches et un disque dance pop formaté pour ne pas sortir des sentiers battus, ne serait-ce qu'un pas pour éviter une flaque d'eau. Voilà, voilà. Puis qu'après, on allaitait en robe de soirée à TV. Comme si, par exemple. Mm. On approche de la fin. On a maintenant Again and Again avec une éperluette. C'est ça le vrai mot. Se démarque de l'album en abordant le sujet de la dépendance affective que la chanteuse vit face à une personne non identifiée. Oui, oui. Objet de son amour. Dépendance qui semble être à sens unique pour l'instant. Ce qui n'empêche pas la chanteuse de rêver et de déterminer d'avance ce qu'elle ferait si elle arrivait à obtenir l'attention de l'objet de son désir. If I could have you, I would show you again and again how sweet it is to start all over again and again. And again. Mm. Et puis là, on conclut avec la dernière chanson, Tag Broken. Checkez bien ça, elle dure que 38 secondes. Je vais monter le son. Elle est tombée dans l'autotune, là. Ouais. Alors, Tag Broken conclut l'album de belle façon, en parlant pendant un court 38 secondes d'une étiquette qui est brisée. Broken, broken, this tag is broken. Possiblement une métaphore. Représentant l'étiquette que Maë porte dans le show business, étiquette maintenant brisée, puisqu'elle a fait ses preuves en tant que chanteuse, le disque maintenant complété. Ou peut-être qu'elle a juste brisé une étiquette dans le col de son chandail et ça l'a inspiré, mais pas longtemps. Plus de détails, levraietienneforêt.com. C'est sûr et certain. Mais alors, vous pouvez procurer ceci absolument nulle part. En fait, c'est très difficile à trouver. Mais, after all, mais sinon, écrivez-moi. Je suis bien dedans. Voilà. Hey, j'ai ton clip de Mario Benjamin. Mario Benjamin, victoire. On écoute ça, puis t'as fini c'est ou pas on mal écoute ça, ouais. Puis t'es encore là? Bof. Il dit que c'était assez pour ce lundi. J'ai plus rien à dire. C'est bon. Merci beaucoup, Étienne. C'était très charmant. Moi, bon, je suis que le messager, hein. J'ai rien eu à faire. On revient au studio avec Fred, notre, je sais pas c'est quoi trop son titre, là, revue de presse. Ce soir, tu vis une dépression. Ils ont identifié ce monstre. La bête décide de se loger dans ton corps où il s'est caché. Sans permission, il est entré. Victoire! T'as eu le courage d'aller en guerre. T'as enfin tué ton cancer. Il reviendra plus te revoir. Là c'est fini. À chaque instant de respirer ce sentiment dans un soupir de soulagement. sais que t'aimes les animaux, Fred. Fait que, tu vois, je t'ai trouvé comme un générique de secours. On a les excellents poulets qui font du techno-disco. Là. C'est ma nouvelle toune préférée. Ta nouvelle toune préférée? Ouais, ben là, j'allais dans la tête, là. Bon. Ouais, c'est ça, toutes les paroles. Fait que, let's go, Fred. On a un gros dossier à soir, j'ai l'impression. Ouais, gros dossier, hein. Première nouvelle que je vous ai apportée, hein. Ça, c'est les Bruins de Boston. Alors, Brossard, à l'entraînement matinal ce matin, les joueurs du Canadien, n'étant pas encore certains de l'identité de leurs rivaux après avoir joué 5 matchs de séries éliminatoires contre eux, se sont fait remettre sur le droit chemin par l'entraîneur Michel Therrien, hein, qui n'entendait pas à rire, précisant du même coup à son équipe, ça, c'est les Bruins de Boston. Eux autres, là. Voilà. Mais c'est important des fois de se le faire dire, tu sais. Oui, ben, hein, question d'être sûr, tu sais, parce que des fois... deuxième nouvelle, hein, en triporteur sur l'autoroute. Where the triporteur for the base forever rings. Voilà, hein, à la prairie, hein, tout ça, ça se passait. Jean-François Huard s'est demandé s'il ne souffrait pas d'hallucination lorsqu'il est passé sur l'autoroute 15 à l'hauteur de La Prairie en Montérégie. Une dame âgée en triporteur électrique roulait au milieu de la voie de droite. L'incident s'est produit il y a 2 semaines en direction de Montréal. Le résident de Brossard circulait dans la voie du centre lorsqu'il a dépassé la dame sur la voie d'accès du boulevard Salaberry. Je me suis dit, je rêve-tu? J'ai freiné et je me suis rangé dans l'accotement pour reculer avant qu'un autre automobiliste se range aussi vers la voie d'accotement pour lui confirmer qu'il ne rêvait pas. Voilà. Des fois, c'est un pincement, d'autres fois, c'est quelqu'un qui se range en avant. Ou une claque à gueule. Une personne interceptée en triporteur sur l'autoroute métropolitaine. On repart la clip, on repart la clip. On l'a, on l'a. C'est plus compliqué que ça a l'air. Ok, je fais ça de même. Je fais ça de même. La la la. Where the triporteur for the base forever rains. Forever rains, hein? Donc. Ah ouais. La dame aurait encore eu des difficultés. Déboussolée, elle se retrouve 7 fois sur la métropolitaine. Ben ouais. Voilà. Elle a fait le tour. Un serpent tente de se manger. Cette femelle albino oignose de l'ouest a confondu sa queue avec son repas. La vidéo étrange, hein, filmée dans une animalerie, montre le reptile qui tente de s'avaler tout rond. Alors, le serpent aurait mis beaucoup trop de temps avant de se rendre compte qu'il était son propre festin, Tommy. Et là, il était trop tard. Il était trop tard. Hein. Il était trop tendre aussi. Hein, parce... Un homme se fait... Un homme fera amputer le pénis de sa tortue. Alors, c'est officiel. Un homme fera couper le pénis de sa tortue Cédric après avoir tout essayé. Le Viagra ne fonctionnait juste pas. Le Britannique a amassé plus de 900$, hein, grâce à des dons versés en ligne pour qu'il puisse payer les coûts d'amputation du pénis de sa tortue. Miles Jelf a expliqué sur le site web GoFundMe.com après avoir constaté que sa tortue Cédric, qu'il a récemment acquise, a souffert d'un prolapsus du pénis. Ah, et, c'est non mais c'est effrayant. Toujours dans le règne animal, hein, Octogoat, la chèvre à 8 pattes. Octogoat. Devil goat, he will suck your soul out, devil goat. Don't look into his eyes, don't look into his eyes. Oh, I can't help it, I'm looking into his eyes. Devil goat, devil goat. Eh bien non, hein, les araignées ne sont plus les seules à avoir 8 pattes. Un bébé chèvre à 8 pattes est né en Croatie cette semaine. Le mammifère qui a les organes reproductifs de la femelle et du mâle s'appelle Octogoat. C'est comme 2 chèvres donc. Oui, voilà. Mm-hmm. Avec juste une tête. Et 2 sexes. Et plein de pattes. C'est malade. C'est, son propriétaire, hein, le fermier Zoran Paparic, croyait voir son double à sa naissance. J'ai compté ses pattes et je pensais voir des choses. J'ai appelé mon voisin pour être certain que je n'étais pas fou. Oui, parce que ça aurait pu être voisin, ça. Hein? Ouais. Ça aurait pu tout ça être juste une grosse hallucination. Là. Ah non, encore une fois. Hein, et bien normal. Par contre, son voisin, hein, apportant une expertise de seconde opinion à la situation, lui a donc confirmé qu'il n'était pas fou. À moins que les deux soient fous. Ouais, peut-être c'est moi qui est fou. On n'a pas checké ça. Là. Peut-être la chèvre est folle. Peut-être. Peut-être que aussi. Tout ça n'est pas vrai. Peut-être qu'on est dans ton rêve, Fred. Mm. continue. Regarde si tu vois l'heure. Alors, oui, hein, encore dans le règne animal, hein, ce chat n'a jamais vu la porte vitrée. On a l'extrait. Quelle surprise la seconde boulangerie du jour réserve-t-elle à notre jury? Bang! C'est déjà arrivé à un de mes chats, ça. Ça... Ouais. Et interviewé à propos de l'accident, le chat a confirmé ne jamais l'avoir vu venir. Peut-être qu'il était fou. Peut-être. Peut-être qu'il y a peut-être c'était la porte qui était folle. Peut-être que c'est des blocages internes. Peut-être aussi. Alors voilà, c'est ça pour... C'est la fin de ton premier bloc. Bon, ben Colin, on a réussi à faire ça pas pire. On s'en vient bon. Merci beaucoup Fred, tu vas revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Moi j'ai l'impression que ça va être Mathieu après ce clip-là que j'essaie de retrouver. Moi, je pense que je vais mettre le rap des vaches, là, vu qu'on a eu des poules et ben tout. Ben oui, ça fit. À 70%. Rappez, rappez, les vaches dans les prés. Rappez, rappez, faut pas vous arrêter. Rappez, rappez, en hiver comme en été. Rappez, rappez, c'est bon pour la santé. Quand une vache est abominée, elle prépare le lait qu'on va réchauffer. Quand une vache met à se brasser, elle est pleine de crème fouettée. Rappez, rappez, les vaches dans les prés. Rappez, rappez, faut pas vous arrêter. Rappez, rappez, en hiver comme en été. Rappez, rappez, c'est bon pour la santé. Quand une vache est toute gelée, c'est qu'on va manger de la crème glacée. Quand une vache gratte l'estomac, c'est pour faire du lait au chocolat. Rappez, rappez, les vaches dans les prés. Rappez, rappez, faut pas vous arrêter. Rappez, rappez, en hiver comme en été. Rappez, rappez, c'est bon pour la santé. Bon pour la santé. Ah si les vaches, si les vaches, si. Ah si les vaches n'étaient pas nées, il aurait fallu les inventer. Rappez, rappez, rappez, rappez, les vaches dans les prés. Rappez, rappez, faut pas vous arrêter. Rappez, rappez, en hiver comme en été. Rappez, rappez, c'est bon pour la santé. Rappez, rappez, les vaches dans les prés. Rappez, rappez, faut pas vous arrêter. Rappez, rappez, en hiver comme en été. Rappez, rappez, c'est bon pour la santé. Rappez, rappez, pépé, pépé. Rappez, rappez, pépé. Vive les vaches et la crème glacée. Vive les vaches et la crème fouettée. Ah, si les vaches n'étaient pas nées, il aurait fallu les inventer. Rappez, rappez, les vaches dans les prés. Rappez, rappez, faut pas vous arrêter. Rappez, rappez, en hiver comme en été. Rappez, rappez, c'est bon pour la santé. Pour la santé. Vache. Crème fouettée. Vache, vache. Rappez, rappez, les vaches dans les prés. Rappez, rappez, faut pas vous arrêter. Rappez, rappez, en hiver comme en été. Rappez, rappez, c'est bon pour la santé. Rappez, rappez, les vaches dans les prés. Rappez, rappez, faut pas vous arrêter. Rappez, rappez, en hiver comme en été. Rappez, rappez, c'est bon pour la santé. Grrrr! Salut Tom. Salut Mathieu. T'es... J'étais en train de checker dans la coupe de cheveux, j'aime ça. Ben oui, c'est... tu l'as live à la TV, man. C'est un style Vaux. Vaux? Ouais. C'est comme le style du peuple? Ouais. Okay. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et... Ok, je suis pas tout seul à l'avoir entendu. Non, c'est... Ouf, Tommy! Un cadeau de notre VJ de DJ de résidence, oui. Le seul et unique, Étienne Forêt. Il est par là. À qui je parle? Je sais pas. Ça va, Michel? Oui. Réponds. Fait que, ben, c'est ça. Je pourrais te dire que c'est... tu veux que je parte ou... Ben, on est tous là pour t'écouter, Mathieu. Ah, je suis ici. Cette semaine, j'ai été en mission, Tommy. J'ai pogné une petite mission dans les Bermudes. C'était dangereux et mystérieux. On aurait dit un mélange de Scooby-Doo puis de la série de films Ça. Oh boy! Ben ça, c'est ça que j'ai dit à mon fils. Là, t'sais, parce que en cours, là, j'aurais dit quelque chose comme « J'ai tué un chien, deux retardés puis leur blonde, Tommy. » Mon avocat aurait résumé ça comme « à non coupable. Hein? » Il y en a qui font la une des magazines et il y a moi. Sinon, c'est le moment opportun, en fait. Hein? Mon père, il disait, être opportuniste, c'est une des plus belles qualités qu'un humain peut développer. Il disait, pour la destruction du vivant, là, c'est une arme redoutable. Puis quand il disait ça, quand il s'ouvrait le cœur devant moi, puis qu'il me parlait comme un psychopathe parle à son fils, tu sais, ben, c'est exactement là, Tommy, c'est exactement là qu'il en profitait à massacrer une en arrière de la tête. Quand il t'avait ramolli, voilà. Baissé ta garde avant. Genre. Ils l'ont dit à son enterrement. D'ailleurs, c'était un opportuniste. Bref, un petit contrat tranquille, tu sais, dans les Bermudes. Je suis allé à nage. 891 000 nautiques. Hein? Ça se fait bien. Ça, c'est 1650 km. Ça se fait en 23 heures environ en avion. Mais moi, je m'étais dit, tu sais, c'est l'opportunité de me garder en forme, tu sais. C'est le printemps, les filles mènent ça. C'est le devoir de chaque homme qui respecte chaque femme de dire que ils ont raison, hein? Ils ont raison de sortir puis de se pavaner comme ça. Fait que moi aussi je vais y aller. Ah, c'est le bédane pour rien en studio, hein? C'est... ouais, c'est, je vais prendre. Ouais, ça, on va l'avoir. Ils ont bien raison, fait trop chaud l'été, garder son t-shirt. Fait que vous autres, les filles. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là, je sais, non, tu te dis à la maison, hein, dans le salon, il y en a même qui se disent ça présentement, je le sais, j'entends vos réflexions. Regarde-les avec ses petits bras de tapette puis son teint écran vert, hein? Il est resté tout l'hiver enfermé à prendre de la dope esti de menteur. Bon, ben certains auront raison, hein? Certains auront raison, je suis resté enfermé à prendre de la dope esti. Mais de menteur. Ça, c'est un peu... Certainement, diraient des spécialistes qui m'ont examiné lors de mes nombreuses autopsies. Anyway, tout le monde aujourd'hui est opportuniste. Sinon, expliquez-moi quelqu'un pourquoi il y a un prix sur tout. Je veux savoir ça. Ça va être réglé. Non, je sais que c'est chien comme question. Ouais. Sais-tu combien ça m'a coûté, Tommy, ce tatou-là? Un stylo, genre? Ça m'a rien coûté pantoute, Tommy. OK. Et ça, là, c'est un... Tu sais, comme... ça, c'est comme de l'opportunisme. Là, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, mais il y en a d'autres, là. J'aurais pu t'en nommer d'autres. J'ai choisi celui-là. C'est mon ancêtre, Tommy, qui a inventé ça, l'opportunisme. OK. Ouais. Il s'appelait Édouard Boudreau. Hein? Mais tout le monde l'appelait Mange-Marde. Faut dire que Édouard, ça veut dire celui qui garde les richesses. Hein? Fait que, tu sais, il a été Mange-Marde assez vite dans sa vie. Lui, il est arrivé avec deux concepts. Hein? Et le premier concept était assez simple, c'est qu'il était très laid. C'est un bon concept. Mais non, mais c'est vrai. Mais pour vrai, tu sais, des fois, on va dire les frères Bogdanov. Mais là, tu mélanges ça avec Alf puis un viol. Ça, c'était laid, tu sais. Ouais. Et encore là, ça te donne à peine un frisson de ce que peut être l'horreur qu'ont subi ses proches. Hein. Non, mais c'est vrai. Son père, il disait, il est tellement laid, il goûte. C'est parce que tu t'habitues pas à ça, la laideur, tu sais, ça te suit toute ta vie. Puis c'est long la vie en 1800, là, c'était long en maudit. Il n'y en avait pas de plaisir. Tu sais, au pire, t'étais assez fort pour aider, tu sais, c'était... Deuxième concept, c'est dit, je vais me venger. Fait que tu vois que c'est deux concepts qui allaient ensemble. C'est vrai. Le premier attirant le deuxième. Ben oui. Donc, on n'est pas certain, personne, que du comment il est arrivé là, mais en 3 mois, il avait acheté tous les terrains vacants. 6 mois plus tard, il achetait sa première banque, puis à partir du 9e mois, il donnait naissance au mot trimestre. Et il disparaissait de la map, hein, ça c'est important. Il disparaissait, personne ne l'a revu. Personne ne l'a revu. Il y a une légende qui court à son sujet d'ailleurs. C'est qu'après avoir tout acheté, hein, il aurait vu la fin de sa vengeance. Puis là, ben, incapable d'accepter, d'arrêter de faire souffrir son prochain. Hein? Il serait parti méditer dans les montagnes. Là, il aurait découvert le secret de la vie éternelle, puis il serait revenu poursuivre son œuvre de destruction. Hein? En finançant Ford, Tesla, puis la musique pop. Hein? Ben, il a réussi, là, tu sais. Oui, ça a bien marché. Hein? Aujourd'hui, il vivrait à l'abri des regards dans sa tour sombre, surplombant les ruines quotidiennes de sa réussite. Hein? Fier, là, tu sais, fier. Un verre de vin rouge à la main, tel un albator, hein? Ressassons les bons et les mauvais coups de couteau dans le dos de sa carrière. Comme mon père disait, un vrai opportuniste, Chris. En terminant, parce que je parlerai pas trop longtemps à ce soir, là, j'ai d'autres tatouages à aller me faire faire. Je disais que j'avais été en mission aux Bermudes, tu sais. Je me suis perdu. Je me suis perdu en pleine mission. Ça arrive, hein, surtout quand tu dois voyager léger dans un pays que tu connais pas sur le moche. Je voyais des arbres. Tu dois voyager sur le moche. Je comprenais tout ce qu'il me disait, tu sais. Anyway, je me suis perdu en plein milieu de la jungle avec comme seule arme un pantalon puis mon imagination, Tommy. Et ça, ça a fait que blessé, assoiffé, je me suis quand même fabriqué un chemin à travers le poison de serpent puis les tarentules géantes pour me retrouver en train de voler un hélicoptère. Mais tu sais comment est-ce que c'est un hélicoptère, là? Un missile plus tard, l'hélico explosait. Hein? Et là, j'ai dû tuer 200-300 mercenaires pour me rabattre sur un yak blindé, hein, contenant l'homme à éliminer dans mon contrat, ainsi que son garde du corps. Hein, tu l'auras deviné, hein, bien évidemment, mon ancien compagnon d'armes badass qui vient régler une vieille chicane. Parce que c'était personnel. Ouais, non, ouais. C'est ça. C'était toujours un peu personnel. Ben, tabarnak, avec ça, là, printemps, beden pour rien, puis vengeance, Tommy, j'ai manqué les oliviers en fin de semaine. Ça me ferait terminer pas mal là-dessus, hein. Des fois, la vie te fait des cadeaux. Bravo. Merci beaucoup, Mathieu. C'est ça. On écoute un gentil clip, ça s'appelle Pizza Time. Ça va vous donner à réfléchir, tout le monde. On revient à 70%. Voilà. Peut-être ça va être Fred, peut-être ça va être autre. Des galices conservateurs! Eh mon Dieu. Ouais, je te jure, la jeunesse, c'est qu'elle s'en va. Fred qui apparaît sur ces belles images. Ah oui, Fred, les tortelles qui perplexement nous perplexisent. Tu poursuis ta revue de presse, mon cher? Oui, avec ma prochaine nouvelle, hein, une actrice de Paranormal Activity 2 aurait eu des rapports intimes avec un fantôme. Natasha Blasik a fait une déclaration qui a suscité énormément de réactions à l'émission This Morning. L'actrice a avoué avoir partagé des moments très intimes avec un fantôme. J'étais seul dans ma chambre, étendu sur mon lit. J'ai senti quelque chose entrer dans la pièce, mais je ne pouvais voir personne. J'ai alors senti quelqu'un me toucher et me retenir contre mon gré. Je pouvais sentir son poids sous mon corps. Au départ, j'étais vraiment confuse, mais j'ai finalement décidé de relaxer. Finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai adoré mon expérience. Je citais, bien sûr, a confié la jeune femme. Donc, les mots d'Iaz, hashtag sex with ghosts, est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Mmh. Évidemment. Non, il n'y avait pas plus à c'était ça. Pas son plus, on n'a pas de... Es-tu tombé enceinte, genre? Peut-être. Ça fait juste prouver que les fantômes, ça existe. Ça prouve. Ouais. Ouais. Ouais. Ça prouve. Il y a une façon de le prouver, c'est celle-là. Restons toujours dans l'ordre sexuel. Elle reçoit une offre de 273 000 $ pour sa virginité. Ces chiffres-là, bien sûr, j'apporte un update aujourd'hui, hein, parce que c'est rendu plus que ça. Hein. C'est maintenant terminé, les enchères, pour tous ceux qui étaient intéressés, malheureusement. Une étudiante en médecine de 27 ans, connue sous le pseudonyme d'Elizabeth Rain, vient de dévoiler son visage pour faire augmenter les enchères de sa virginité. On peut y voir la photo, on voit qu'elle n'est pas la vierge. Mais c'est quand même difficile à évaluer, étant donné tout le Photoshop. Alors, sur le site internet que j'ai fréquenté à des fins de recherche, bien sûr, que seulement pour déposer une mise, il en coûtait 100 $, ce qui est suffisant pour, tu sais, si jamais... Donc, le site www.elizabethrain.com, maintenant fermé, a atteint la mise de 801 000 $. Quand même, hein? Est-ce qu'il y a du monde qui a de l'argent pour rien sur cette terre, mon gars? C'est fou. Donc, prochaine nouvelle, Kate Upton veut plus d'attention sur ses fesses. Bien sûr, la mannequin... C'est toute une nouvelle. ...de Sports Illustrated, hein, a confirmé durant une séance photo aux îles Cooks qu'elle souhaitait que son postérieur ait un peu plus d'attention, tout comme Pat Bianco. Les gens ont plutôt tendance à parler de la poitrine généreuse de la jeune femme de 21 ans, laissant son postérieur dans l'ombre. Ah, ça c'est étonnant quand ça arrive, ça. Là, tout le monde l'aime, mais pas pour ce qu'elle aimerait être aimée par tout le monde pour. Voilà. Oh. Ou peut-être un petit peu moins pour qu'est-ce que tout le monde voudrait qu'elle soit aimée pour. Je sais même pas si cette phrase-là fait du sens, mais elle a dit « Vous savez, mes fesses n'ont pas autant d'attention alors qu'avec cette séance photo, elles auront la place qu'elles méritent. Enfin. » Apparemment... Enfin! Elles auront de la place qu'elles méritent ou... Enfin! Enfin. Tout ce que j'ai à dire. Il était temps, là. Leur octroyer le trophée Vaillancourt. Apparemment, Upton a eu énormément de plaisir à travailler une fois de plus avec l'équipe de Sports Illustrated. Pour la mannequin, travailler pour le magazine est tout comme se retrouver en famille, hein, ou avec des amis, tout autour d'une table avec un bon souper et une coupe de vin rouge. C'est fait. Patin, hein, j'apporte encore un update aujourd'hui. Hein, Fred aujourd'hui, Tiger Woods, malgré le fait qu'il soit en relation avec la skieuse américaine Lindsey Vonn, aurait un œil sur Kate Upton. Ah, quand même, un. Moi, actuellement, c'est les deux. Qu'est-ce ben qu'on... Pourquoi qu'on... C'est une nouvelle intéressante, importante, mon gars. J'avais une autre nouvelle intéressante, hein, importante aussi, Tommy, mais celle-là, je vais devoir la garder pour la semaine prochaine. Alors, revenez-nous la semaine prochaine pour tout savoir sur Jean-Paul Ouellet et son casse-tête. Donc, c'est plugué. Attends, je pourrais jamais attendre jusque-là. C'est chiant, ça, Fred. C'est juste comme une trop grosse nouvelle dans le monde du Québec. Martin Matt explique son absence au gala Les Oliviers. Donc, c'est pas une grosse perte, hein, Mathieu, si tu l'as pas écouté dimanche. Martin Matt n'était pas là. Il était pas là, maudit. Et il a mentionné, parce qu'il a reçu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux de gens se demandant « Mais où es-tu, Martin? Pourquoi n'es-tu pas là? Pourquoi n'es-tu pas en nomination? Et pourquoi n'es-tu pas le meilleur? » Mais Martin Matt a mentionné... Pour ma part, pourquoi je n'étais pas nominé comme humoriste de l'année? Ben, c'est ça. J'étais pas nominé. Alors, ça élucide le mystère. Ben oui, enfin. C'est arrivé dans le monde des arts et spectacles. Donc, j'en suis bouche bée. Ouais, de rien. J'avais aussi une nouvelle hein, sur le cheval fou perdu dans NDG, mais soyez là la semaine prochaine, parce que ça va être... encore chaud, ça va être encore chaud, ça, je ça pense. Ça va être encore chaud. Il s'est perdu, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein. Vraiment, okay. Soyez là. Oui, on va être là, on va être là. Une page Facebook contre le racisme pour piquer ce ban, hein? Ça devait arriver. Ce n'était qu'une question de temps avant que les partisans du tricolore réagissent aux propos haineux qu'ont circulé à l'égard du joueur de hockey piqué ce ban. Le numéro 76 du Canadien de Montréal était victime de racisme et Boston, quelques minutes après, but du défenseur, Nager, et voilà, page Facebook. Avec maintenant des dizaines de milliers d'abonnés. Donc, allez soutenir Piqué, c'est important, c'est pour une bonne cause. Oui, ça va et, changer. Les droits civiques sont jamais oubliés. Ils sont jamais trop représentés sur une page Facebook. Et, voilà. C'est ça que je voulais exprimer. un joueur de soccer célèbre, hein, on est toujours dans le sport, hein, en applaudissant, dis-je, son propre but dans les estrades. Alors, on a le clip de ça. Oh, t'as un petit peu. Tom, tom, tom, tom, tom. On l'a vu tantôt, hein? Après le chat pétien. Qui est comme rentré dans. Ah oui, c'est ça qu'on a vu. Ok, je pensais qu'il applaudissait le chat, moi. Fait que là, il s'est garoché dans les estrades pour pouvoir s'applaudir. Voilà. C'est fou. On peut le regarder en boucle. Donc, ça fait. Ça applaudit. Je vais. On va le voir sortir en 10 heures de temps sur YouTube bientôt. Ouais. Ok, je vais faire ça. J'ai hâte. Donc ça aussi, hein, c'est arrivé dans le monde du sport et vous l'avez appris ici en deuxième sur douteux.com. C'est le fun. Donc ma dernière nouvelle pour cette semaine, le duo hein, avec... Je suis en train de perdre mes mots, hein, je suis tellement excité. Hein, Love Never Felt So Good, le duo de Justin Timberlake et Michael Jackson. Et oui, c'est déjà le temps des hits de l'été, Tommy. Hein, c'est ta saison préférée, tout juste après Noël. Le retour très attendu de Michael Jackson a enfin été dévoilé. Donc, il n'y a plus de suspense là. Non. Rappelle qu'il était mort. Oui, il n'y a pas si longtemps. Ouais, ouais, mais ben, c'est revenu, ça c'est fini. Revenu, c'était la troisième fois qu'il mourait, en fait. Il avait perdu son titre hein, de personnalité morte qui rapporte le plus d'argent par année lorsque Elizabeth, celle qui était actrice avant, là, Taylor ouais, avait fait une liquidation de ses biens. Mais il a su reprendre hein, sa position de numéro 1 qui lui revient de plein gré. Et je suis pas inquiet qu'il réussira à la reprendre cette année. Donc, go Michael! Le retour très attendu de Michael Jackson à la fin. Bon, voilà, c'est ça. Je l'ai déjà dit, ça. C'est ainsi en duo. Hein, le chanteur de 33 ans a annoncé Twitter, 2,5 millions. La chanson figurera sur l'album posthume de Michael Jackson, Escape, réalisé par Timbaland. Love Never Felt So Good a été écrite en 1983 par Paul Anka et Katie Wakefield et d'autres informations inutiles comme ça. Escape sera en vente dès demain, 13 mai. Hein? Alors, garochez-vous, hein? C'est le seul moment. Ben, en tout cas, il va être encore sur les tablettes. Et Michael Jackson sera en tournée nord-américaine cet été. Manquez pas ça. Merci beaucoup, Fred. Rest in peace. On poursuit à 70%, un petit dernier clip et puis on revient finir l'émission avec notre ami Bruno. Merci Fred. Ouais. Tellement de beauté sur Internet, hein? Tellement de merveilles. C'est pas vrai ce qu'il dit, je le connais pas. Là, on a un homme déguisé en cerf qui rend sa mère fière. Mmh. Bruno, bitch, oui. Vas-y, ramène-nous dans le monde de l'univers. D'accord, celui-là même. Oui, donc Chris Xavier, l'homme qui avait poursuivi Apple pour avoir causé sa dépendance à la pornographie, Pourrais-tu maintenant l'état de l'Utah qui refuse de lui permettre de marier son laptop rempli de pornographie? Il peut jamais rien faire. Hey, ça avance lentement, sa vie, lui! Selon lui, il n'y a aucune différence entre l'amour que les couples LGBT ressentent et celui qu'il ressent pour son laptop rempli de pornographie. C'est pareil que les LGBT. Ben, c'est la même chose. Il affirme que l'État fait preuve de discrimination à son égard et à celui de son laptop. C'est vrai? Rempli de pornographie. Après ça, on leur souhaite bonne chance. Il va se faire payer une insémination plus tard, probablement. Oui. Parce que sinon, c'est pas juste. Attention, c'est pas qu'il y a un antivirus. Attention, pas pogner de vie. Ah! Toi, là-bas! Ça tourne, c'est-tu. Un homme de 77 ans a été appréhendé par la police de Boynton en Beach, en Floride, après avoir cambriolé une banque. Russell Cooper s'est d'abord présenté à la banque afin de retirer de l'argent de son compte, mais quand un gérant lui a annoncé qu'il n'avait plus de fonds et que son compte avait été fermé, l'homme est devenu agité et a sorti un couteau de poche, demandant au gérant de lui obtenir les $130 qu'il avait demandé. Il a ensuite tenté de s'échapper à l'aide de sa marchette et a pris le gérant en otage. Arrivé sur les lieux, la police a demandé à l'homme de lâcher son couteau, ce à quoi il a répondu « Je ne vais pas le lâcher, je vais te le crisser dans le ventre si tu ne me tires pas. » Alors qu'il s'obstinait toujours avec les policiers, un autre policier l'a sneaké dans le dos et l'a électrocuté avec son taser. L'homme est accusé de vol à main armée et de kidnapping. Et de faire des affaires sans plan de match. Oui. Voilà. Prenez des notes à la maison. Voilà. Oui. Deux étudiants de l'Université de Géorgie n'avaient pas envie d'étudier pour les examens finaux alors qu'ils ont trouvé un meilleur plan. Engager un tueur à gages par Craigslist afin de se faire blesser juste assez pour ne pas avoir à se présenter aux examens. L'annonce placée par deux jeunes femmes dans la section métiers spécialisés. Demandez aux répondants de les frapper avec une voiture assez fort pour les blesser, mais pas assez fort pour les tuer. Le paiement, le privilège de rentrer dans deux filles avec une voiture avec leur consentement. Pas de nouvelles sur leur état. Ils ont-tu passé leurs examens, finalement? On n'est pas, je sais pas. Je sais pas. L'histoire le dit pas. J'ai hâte de voir la prochaine session. Où ils en seront? Hey, man, c'est débile, ça. Let's go next! Un homme du New Jersey montrait à son neveu de 11 ans comment pointer un laser de gun le pointant dans le front de son enfant quand le prévisible est arrivé. Enfant mort, communauté dévastée, c'est important la sécurité avec des armes à feu. Next! Next! Un homme qui se bat pour la garde de ses enfants âgés de 9 ans, pardon, communique avec eux principalement par courriel et s'est fait avertir que son style d'écriture visuelle suggère qu'il est toujours en train de crier. En effet, un juge de la Cour supérieure a ordonné au père d'arrêter d'écrire tous ses emails en caps lock. Oh, ouais, une jurisprudence importante, s'il en est une. Hein? Parce qu'il s'agit de l'équivalent de gueuler sous forme textuelle. Enfin! Et voilà, c'est finalement, il y a un juge qui a statué là-dessus. Un juge qui a fini par statuer. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Ah, ça nous fait un 70%. Merci aussi à Mathieu Boudreau. Merci à Étienne Forêt. Merci aussi à Giz. Merci à Caroline qui a fait la caméra. Merci à Éric Michaud qui est venu tantôt nous parler de Mandry et de Foc Cru. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à Pat Vaillancourt surtout. Pat Vaillancourt. Merci à Sarah de ne pas avoir fait sa caméra. Oui. Sarah elle était là. Elle nous laisse plus fait, le temps. Pour cette fois, là, Sarah, tout le monde a envie de te voir. Oui. Sinon, voilà, restez en onde. On écoute deux petits derniers clips. Et juste après, ça va être prêt. Pour vrai, là, je fais un petit speech sur le film de Roger Normandin. Et ensuite, on écoute Rêve d'un aventurier, volume 2 de Roger Normandin. Sold your way, 65 and a half. 21? Andy Rock, 21, Rockstar, 21. Cattle, and we got some cows here to start. Who's got 72? 72. Table, you know, have but you know, 30, 30, 30, but 30, 30, and a half, but a three, but a half, but a boom, but a four now, send a bit of four half. Four now, half, but a four now, quarter, half, but a four, send a five, four now, five, five, but a five, but a five now, quarter, quarter, five, but a quarter, five, but a half, but a five, send a five, five, but a five, but a five now, say now, six, and a quarter, quarter, but a big quarter, half, but a way, say now, 75. A 75, but a 77, seven, seven, quarter, quarter, but a big quarter, half, but a way, seven, half, 75, but a big 78, eight, eight, eight, but a quarter, quarter, Dina, quarter, Dina, quarter, Dina, half, half, 875, but a nine, but a big nine, 79, a quarter, quarter, but a big nine, quarter, but a big nine now, quarter, sold your way, 79. JBS number one, JBS number one, thank you. Fusion. D'un excellent long métrage, c'est quelque chose de fabuleux. Ben en fait, j'en ai parlé très souvent de Rogers Normandin, mais on n'a projeté qu'un seul de ces longs métrages à douteux.org depuis 6 ans et quelques qu'on fait des visionnements. Et ça a été à la finale de la 4e foire de l'absurde, la dernière séquence de la 4e foire de l'absurde. On commence le long métrage en background, c'est de toute beauté. Au terme de la... Oui, oui, oui, c'est ça. Pourtant, en tout et pour tout, je suis rendu à presque une quinzaine de pages écrites sur ce héros du terroir québécois. Dérangeant, merveilleux, cheap, à bout de bras, terminé, pharaonique. Voilà autant de mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à Rogers, notre héros de Shawinigan Sud, des fois de Saint-Georges-de-Beauce ou de Lac à la Tortue. Ce soir, on écoute son 4e long métrage, Les rêves d'un aventurier, volume 2. Ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux quand j'ai reçu le document de Alan Smithy de Les Internets, que je remercie vraiment beaucoup, c'est le volume 2 à la fin du titre, parce que oui, on venait de trouver un autre long métrage de Rogers Normandin, mais en même temps, on venait de donner un nom à notre quête, c'est-à-dire Le rêve d'un aventurier, volume 1. Rogers, lui, en fait, il est rendu à plus de 6... Ben, il a fait plus de 6 longs métrages en entier, effectivement. Il a fait ça avec sa motivation, ses idées, ses amis, puis n'importe qui que ça y tentait. C'est-à-dire, j'ai failli être membre... Ben, le moment important ici, on voit que Rogers sort de son corps. C'est comme s'il commençait à rêver. Et là, il s'en va parler de faire du maquillage avec quelqu'un dans son salon. C'est Rogers. Donc, il fait ses films avec sa motivation, ses idées, ses amis, puis n'importe qui que ça y tentait. Il a complété 6 longs métrages. S'il vous plaît, comment c'est motivé? Moi, j'étais au cégep, je me suis dit, je veux faire ça. J'ai acheté une caméra, on a fait 5 minutes d'un long métrage, puis on a arrêté. Rogers en a fait 6. Je suis sûr que moi, à 5 minutes, je suis mieux que la majorité. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est le fait que... Tu sais, moi, je suis allé chez Rogers 3 fois. J'ai bu de la O'Keeffe tablette sur son couch dans son garage, puis on a écouté des films de mariage qu'il avait fait dans les années 80. J'ai aussi écouté son premier film, c'est Les aventures d'un homme invisible. Ce qui fait qu'avec ce qu'on vient d'apprendre là, qu'il y a 2 volumes du rêve d'un aventurier, on peut tranquillement en arriver à une liste en ordre chronologique des titres de ses films. Et c'est quelque chose que, pour moi, ça n'existait pas avant de tomber sur le volume 2. Le premier long-métrage qu'il a fait de toute sa vie, je m'en souviens, il me l'a montré, c'est surtout une étude de comment on peut utiliser des fils pour faire accraire à la présence de quelqu'un. C'était « Les aventures d'un homme invisible ». Ensuite, son 2e long-métrage, je ne sais pas c'est quoi encore. Le troisième, par contre, s'appelle Le rêve d'un aventurier, volume 1. Son quatrième s'appelle Le rêve d'un aventurier, volume 2. Le cinquième s'appelle La chienne de vie de Pierre Larouche. Le sixième, Les aventuriers de la quatrième dimension. Pour finir avec Les aventures d'un braconnier sans scrupules. Il y a comme un mot qui revient à chaque fois. À noter que le dernier, Les aventures d'un braconnier sans scrupules, ne paraîtra jamais si je me fie à la dernière discussion que j'ai eue avec lui. C'est beaucoup de ma faute. J'ai tiré un petit peu là-dessus aux gens qui veulent le savoir en privé. Je suis vraiment désolé. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver quand que j'ai aiguillé les gens de Juste pour rire vers ce pharaon de la création québécoise. Mais bon. Je veux parler un petit peu du film. Faut pas oublier qu'on se dirige tranquillement vers 90 minutes de Normandin. Et faut pas entrer là-dedans n'importe comment. Première affaire, on va faire. Hein? Évacuer un petit peu les affaires qu'il y a en dedans. Tout d'abord, un film de Normandin, c'est ardu au point que ça mériterait des sous-titres, même pour les Québécois de souche comme moi. Pour bien tirer tous les minéraux indispensables à la croissance de votre intérieur, il faut vraiment lui donner sa chance au film. Genre, vous allez l'écouter, puis vous allez interpréter toutes les informations qui vous sont envoyées. Puis si vous faites ça comme il faut, vous allez vraiment entrer dans un état de total relâchement, quelque chose qui peut ressembler à l'état bramesque du yogi ou d'autres affaires comme ça. Vous allez remarquer à un moment donné une petite fille qui donne des coups de bûche sur la maison. C'est un de mes moments préférés du film. Le film de ce soir, on le comprend souvent trop tard. On vient de voir ici la séquence. Ça se passe dans la tête de Rogers, qu'on voit s'assoupir au tout début sur une chaise longue. Sans grand effort de montage ou de transition, on se retrouve dans un salon avec un gars de trois quarts de dos face à Rogers qui pose des questions sur le maquillage à la TV. Puis on part. Ouais. Et Chris, oui. Il y a Tipit dans le film, à un moment donné, il veut faire garder les enfants, puis il va voir le gros qui mange des bines, puis il dit « Je te demande de garder les enfants pendant une heure! Je te demande de les garder une heure! » Et ça, sérieux, ça m'a beaucoup frappé. Comme c'est fait entre amis par des bénévoles au chalet les fins de semaine, Rogers ne lésine pas dans son calcul de qualité versus quantité. Et c'est là qu'il est génial, le Rogers. C'est là qu'on comprend qu'il fait ça pour le fun. C'est ça qui fait que l'ensemble garde la petite touche d'innocence nécessaire à me faire sortir à moi, imagine, les superlatifs. Dans les 90 minutes qui viennent, vous allez découvrir deux petites malcommodes qui vont taper sur la maison avec une bûche. Tipit, il va avoir le ciotte des bois. Il va avoir la visite au dépanneur qui est analogue à la visite au docteur Baveux dans la quatrième dimension. Une séquence qui dure au moins 8 fois plus longtemps qu'elle aurait pu durer. Ah boy, oui. Il va y avoir un ours. L'ours va mourir devant vos yeux parce que je savais pas qu'on pouvait faire ça. Moi, une vidéo de chasse comme ça, puis tuer l'ours, puis... En tout cas, lui a fait ça. Il va y avoir du stock footage d'Orignal, il va y avoir des Amérindiens et une finale avec un meuble centenaire qui a 100 ans et qui a été créé avant 1914 du fait qu'il a plus d'une centaine d'années. Oui, j'appelle pour confirmer là. Ça, c'est une séquence. En fait, c'est une des dernières phrases prononcées dans le film. C'est Rogers qui l'a dit. Oui, j'appelle pour confirmer l'adresse quand je veux venir porter votre meuble et je veux être certain que c'est la bonne adresse. Est-ce que votre adresse, c'est 493 désérables, parce que hein, ça me prend la bonne adresse pour aller vous venir votre meuble. Ça prend 4 lignes d'écrire ça. Personnellement, c'est pas petit ce que je vais dire là. C'est mon film préféré de Rogers Normandin. La performance de Tipit est magistrale et le couple avec la fille marâtre est vraiment divertissant. J'y ai également découvert mon personnage préféré de tout l'univers de Rogers Normandin, le fade qui va à la chasse à l'ours avec le gros autour de la 40e minute. C'est lui qui fait des bines au début aussi. À un moment donné, il dit « C'est embarrassé pas mal, on va aller chercher un ciotte pour dégager tout ça. » Parce que là, ils veulent aller chercher l'ours qu'ils viennent de tuer, mais c'est embarrassé. La forêt est embarrassée. Il y a comme des morceaux de forêt dans les jambes. Je... j'en profite pour saluer nos amis du chapitre de Rouyn-Noranda. Bonjour. Moi, je m'ennuie de Rouyn, hein, surtout quand l'été elle commence, parce que Rouyn, c'est une des plus belles places au monde quand l'été commence. En somme, c'est difficile de bien percer un film de Rogers Normandin. Vous devez vous en imbiber, pour vrai. Remarquez les petits détails en background. Essayez de mettre en mots les choses que vous voyez ou que vous vous faites montrer. Juste, pourquoi qu'ils viennent traverser l'eau en botte? Pourquoi qu'il n'a pas fait le tour par le petit pont et qu'il a traversé directement dans l'eau? Juste ces petites affaires-là. Parlez de ce que vous voyez, mais écoutez en même temps aussi. Ça se fait, ça se fait. Et en fait, jamais, où je vous invite à garder un œil, vous devez vous en... Oui, oui, oui, les petits détails, mettre en mots. Vous allez vous rendre compte que vous dites des choses que vous n'auriez jamais cru dire en narrant un film de Rogers Normandin. Et je vous invite surtout à garder un œil sur les Amérindiens. Les Amérindiens arrivent dans le troisième rêve de Rogers autour de la 50e minute. Là, je vais essayer d'imiter le gars dans le couple qui est en couple avec la fille qui tape ses nerfs, OK? Ben là, oh, c'est pas ma job à moi d'accrocher le linge, là. Oh, oh. Ouais. Jamais de ma vie, je n'ai vu une telle interprétation de nos nobles ancêtres amérindiens. J'ai jamais vu une telle représentation de nos ancêtres amérindiens. Et ça me ramène à ma manière préférée que j'ai de décrire l'œuvre de Rogers Normandin. On ne peut faire un film comme Rogers sans Rogers. Je permets à n'importe qui d'avoir accès à n'importe quelle ressource humaine, matérielle, de toute l'histoire de la planète Terre. Puis si t'as pas Rogers Normandin dans ton équipe, là, puis que tu y donnes pas tout, là, tu sais, go Rogers, on fait ce que tu veux. Tu pourras pas faire un film comme Rogers Normandin. Il y a juste Rogers qui peut faire du Rogers Normandin. Et puis, ben, ça m'amène, je termine mon texte tranquillement, ça m'amène à ma citation préférée du film. C'est un dialogue entre le chasseur à l'ours et Léopold, mon personnage préféré. À toutes les fois qu'il parle, faut l'écouter vraiment. Le chasseur à l'ours dit « Ouais, Léopold, es-tu certain de la place qui a tombé, l'ours? Moi, j'étais énervé un peu. » Comme tout bon chasseur, il a oublié. Oui, et Léopold de répondre ensuite « C'est vrai, moi, je veux qu'on en fasse une sonnerie de téléphone. Ah ben là, moi, tout à l'heure, je voulais savoir à peu près où que ça pouvait être. Là, mais je le sais pas mal, moi, là, tu sais. Je le sais pas mal, là, ouais, pas mal certain de où tu l'as tué, là. » Pas loin d'ici, là, là-bas. C'est sa phrase. Oh, monsieur, c'est quand même une bombe. Sérieusement, on est devant un moins 9 en descendant. La somme des questions que nous impose ce long métrage confirme mon opinion de Rogers. Et puis, je suis très content parce que c'est un film qui nous vient d'avant les deux derniers qu'on a vus. Et je le trouve encore meilleur que les deux récents. Donc, tout est permis pour Le rêve d'un aventurier, volume 1. On est vraiment devant du moins 9 et mon opinion de Rogers est confirmée. C'est le seul et unique pharaon vivant du panthéon cinématographique québécois. Si j'étais en position de lui dire « Fais ce que tu veux, Roger, c'est moi qui paye », je le ferais avant à peu près n'importe quoi d'autre. On écoute en direct à douteux.tv, direct maintenant, l'excellent « Le rêve d'un aventurier », volume 2. Écoutez ça jusqu'au bout. Écoutez-le jusqu'au bout. Ouais, merci.